1879, jeudi 2 janvier. Ce que j'envie, c'est la liberté de se promener tout seul, d'aller, de venir, de s'asseoir sur les bancs du jardin des Tuileries et surtout du Luxembourg, de s'arrêter aux vitrines artistiques, d'entrer dans les églises, les musées, de se promener le soir dans les vieilles rues. Voilà ce que j'envie, et voilà la liberté sans laquelle on ne peut pas devenir un vrai artiste. Vous croyez qu'on profite de ce qu'on voit? Quand on est accompagné ou quand, pour aller au Louvre, il faut attendre sa voiture, sa demoiselle de compagnie ou sa famille. Ah, crénom d'un chien, c'est alors que je rage d'être femme. Je vais m'arranger des habits bourgeois et une perruque. Je me ferai si laide que je serai libre comme un homme. Voilà la liberté qui me manque et sans laquelle on ne peut pas arriver sérieusement à être quelque chose. La pensée est enchaînée par suite de cette gêne stupide et énervante. Même en me déguisant, en m'enlaidissant, je ne suis qu'à moitié libre, et une femme qui rôde est une imprudente. Et en Italie, et à Rome. Allez donc en landau voir des ruines. Où vas-tu, Marie? Voir le Colisée. Mais tu l'as déjà vu. Allons au théâtre ou à la promenade, il y aura foule. Et cela suffit pour que les ailes tombent. C'est une des grandes raisons pour lesquelles il n'y a pas d'artiste féminine. Oh, crasse ignorance! Oh, sauvage routine! Ce n'est pas la peine de parler. Quand même on dirait des choses sensées, on serait sous le coup de ces moqueries communes et anciennes dont on accable les apôtres des femmes. D'ailleurs, je crois qu'on a raison de rire. Les femmes ne sont jamais que des femmes. Mais pourtant, si on les élevait de la même manière que les hommes, l'inégalité que je déplore serait nulle, et il ne resterait que celle qui est inhérente à la nature même. Eh bien, quoi que je dise, il faut crier et se rendre ridicule. Je laisserai ce soin à d'autres. Pour obtenir cette égalité dans 100 ans. Moi, je tâcherai de la donner à la société, en lui montrant une femme qui sera devenue quelque chose, malgré les désavantages dont la comble la société. Vendredi 10 janvier. Robert Fleury est venu le soir à l'atelier. Nous dînons et déjeunons au café anglais où l'on mange bien. En fait, de cabaret, c'est le meilleur. Les journaux bonapartistes et Le Pays, en particulier, sont restés si sots devant les élections que j'en éprouve comme un sentiment de honte pour eux, comme hier pour Massenet, quand on a bissé son incantation et qu'à la seconde fois cela parut moins beau. Si la peinture ne me donne pas de gloire assez tôt, je me tuerai, et voilà tout. C'est résolu depuis quelques mois déjà. En Russie encore, je voulais me tuer, mais j'ai eu peur de l'enfer. Je me tuerai à l'âge de 30 ans, car jusqu'à 30 ans, on est encore jeune, et on peut espérer la chance, ou le bonheur, ou la gloire, ou n'importe quoi. Ainsi donc, voilà qui est réglé. Et si je suis raisonnable, je ne me tourmenterai plus. Non pas seulement ce soir, mais toujours. Je parle très sérieusement, et je suis vraiment content de me faire une raison. Jeudi 30 octobre. La France est un pays charmant et amusant. Les émeutes, les révolutions, les modes, l'esprit, la grâce, l'élégance, tout ce qui donne enfin la vie du charme, de l'imprévu. Mais ni chercher ni gouvernement sérieux, ni homme vertueux, au sens antique du mot, ni mariage d'amour, ni même véritable art. Ils sont très forts, les peintres français. Mais à part Géricault et actuellement Bastiat Lepage, le souffle divin manque. Et jamais, jamais, jamais, la France ne produira ce qu'ont produit l'Italie et la Hollande dans un genre spécial. Beau pays pour la galanterie et le plaisir, mais le reste, enfin, c'est toujours cela. Les autres pays, avec leurs qualités solides et respectables, sont ennuyeux, quelquefois. Du reste, si je me plains de la France, c'est que je ne suis pas marié. La France, pour les jeunes filles, est un pays infâme, et le monde n'est pas trop gros. On ne peut mettre plus de froid cynisme dans l'accouplement de deux êtres qu'on en met ici en mariant un homme et une femme. Commerce, trafic, spéculation sont des mots honorables, appliqués proprement. Mais ils sont infâmes, appliqués au mariage, et pourtant, il n'y en a pas de plus juste pour raconter les mariages français.